إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أنس بن مالك كالله لأغري a dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire Allah le Très-Haut a dit ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne. Peu importe ce qui provient de toi, je n'en tiens pas compte. Ô enfant d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux et que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent de la terre en mauvaises actions, puis que tu me rencontres sans ne m'avoir donné aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Rapporté par Tirmidhi, qui a dit « C'est un hadith bon et authentique. » Donc comme vous le voyez mes frères, ce hadith est une base importante et une preuve démontrant le mérite du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également le mérite de l'invocation et plus précisément de l'imploration du pardon, al-istighfar. Ce hadith est donc un hadith qudsi, c'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte la parole de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. On a déjà évoqué ce qu'est le hadith al-Qudsi dans des cours précédents. Donc dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction des sens rapprochés « Ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonnerai, peu importe ce qui provient de toi, je n'en tiendrai pas compte. » Tant que tu m'invoques, c'est-à-dire tant que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant exclusivement l'invocation. Et l'invocation, elle est de deux catégories. Dua ou mas'ala ou dua ou ibada. Dua ou mas'ala, celle que l'on appelle l'invocation de demande. Lorsque tu adresses explicitement des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme lorsque tu lui dis, « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Oh Allah, facilite-moi ceci ou cela. » Ceci sont des invocations de demande. Tu adresses des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une adoration. Le deuxième type d'invocation, c'est l'invocation d'adoration. C'est-à-dire que c'est l'adoration en elle-même. Elle est appelée aussi invocation. Comme lorsque tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu accomplis d'autres œuvres pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est appelé également invocation. Donc on a besoin maintenant de clarifier cela par la preuve tout d'abord, en expliquant la raison de cette nomination. Donc premièrement, quelle est la preuve que l'invocation est appelée adoration ? La preuve, elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au verset 60 de Surat Ghafir, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala, « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. » Et écoutez ce qu'il dit ensuite. « إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » Ceux qui par orgueil se refusent à quoi ? Se refusent à m'adorer. Entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc au début du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de quoi ? De l'invoquer. Puis ensuite, en parlant de ceux qui refusent, qu'est-ce qu'il dit ? Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Il a donc nommé explicitement l'invocation, adoration. Et il y a une preuve, également dans la sunna, comme il est venu dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ad-du'a ou al-ibada » L'invocation, c'est l'adoration. Donc ceci est très clair. Il n'y a pas de doute que l'invocation, c'est une adoration. Pourquoi ? Car lorsque tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui adresser tes demandes, tu fais ça avec avilissement, soumission, en reconnaissant ta pauvreté et ton besoin de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ceci est une des grandes formes d'adoration. Reste à savoir pourquoi l'adoration, comme la prière, la zakat, le jeûne, est aussi appelée invocation. La réponse est que lorsque tu te diriges vers Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, tu es en réalité en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par quoi ? Par ta situation, par ton état. C'est-à-dire que si on te demande lorsque tu pries, pourquoi pries-tu ? Pourquoi fais-tu la prière ? Alors ta réponse sera, car j'espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai peur de son châtiment. Donc, ta situation est telle que c'est comme si tu demandais lorsque tu pries, « Oh Allah, accorde-moi la récompense et préserve-moi de ton châtiment. » C'est pour cela que les adorations, elles sont appelées aussi invocations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce hadith, « Tant que tu m'invoques, les deux types d'invocations, invocation de demande et invocation d'adoration, tant que tu m'invoques et espère en moi. » Médite sur cette précision qu'il a apportée ici dans ce hadith. Car ceci est indispensable. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit l'invocation de demande ou l'invocation d'adoration, il est indispensable que tu espères en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ta demande. Tu as espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes œuvres par lesquelles tu te rapproches de lui. Quant à celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur distrait, ou voire même un cœur absent, alors celui-ci il est loin de se faire exaucer. Il est donc indispensable que l'invocation, elle soit accompagnée de quoi ? Elle soit accompagnée de l'espoir. Donc il dit, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son pardon. Il efface tes péchés. Il n'en tient pas compte, quelles que soient les choses qui proviennent de toi. C'est-à-dire, quels que soient les péchés, les mauvaises actions, les désobéissances que tu as pu commettre, Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonne, tant que tu l'invoques et espoir en lui. Wala ubali. Et il n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'il n'y accorde aucune importance à ses péchés. Il les efface comme si tu ne les avais jamais commis. Et on voit ici l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa clémence envers ses serviteurs. Ensuite, dans la deuxième phrase, il nous dit « Ô enfant d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux, c'est-à-dire que s'ils étaient si nombreux au point de remplir l'espace entre la terre et les cieux, thumma istaghfartani, puis que tu implorais mon pardon, c'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, en disant par exemple « Astaghfirullah, j'implore le pardon d'Allah » ou alors « Allahumma ghfirli » ou « Allah pardonne-moi » peu importe les termes que tu emploies pour demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu implores son pardon, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonnera. Cependant, il est important que lorsque tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton cœur soit présent. Tu ne prononces pas ces paroles sans être concentré sur ce que tu dis. Car il y a des gens, ils disent « Astaghfirullah », mais il ne prend pas conscience qu'il est en train d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette parole. Il prononce ces termes sans se concentrer sur ce qu'il dit. Il est indispensable que ton cœur soit présent, que tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala et que tu espères son pardon lorsque tu prononces cette parole. Si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Ô enfant d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en mauvaises actions. » Vous vous rendez compte ? L'équivalent de la terre, tout ce qu'elle peut contenir, en mauvaises actions. Puis que tu me rencontres sans ne me donner aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent au pardon. Allahu Akbar. Il dit subhanahu wa ta'ala, si tu viens à moi, c'est-à-dire après la mort, lorsque tu te présenteras à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'équivalent de la terre en péché, en mauvaises actions, mais que tu lui rencontres sans ne lui donner aucun associé, aucun, c'est-à-dire ni du shirk akbar, ni du polythéisme majeur, ni du shirk asrar, ni du polythéisme mineur. Et c'est important de prêter attention à cela, mes frères. Car il y a des personnes parmi les musulmans, ils se disent, moi, alhamdulillah, je suis un muwahhid, je suis un monothéiste, je ne fais pas de shirk. Dans le sens, ils n'adorent pas les tombes, ils n'invoquent pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se prosternent pas pour des idoles, ou autre, parmi les formes de polythéisme majeur. Wallillah alhamd. Ceci est une chose indispensable pour le musulman. Cependant, nombre d'entre nous sont parfois distraits quant aux formes de polythéisme mineur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith, la chose que je crains le plus pour vous, c'est quoi ? Ash-shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Ils l'ont alors interrogé à ce sujet. Qu'est-ce que le polythéisme mineur ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ar-riya, l'ostentation. on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc vous voyez mes frères, c'est la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus craint pour sa communauté. On doit donc prendre garde à cela, car l'ostentation, nul parmi nous n'en est à l'abri. Et c'est pour cela qu'il faut multiplier l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un quelconque associé alors que je sais, et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. Car le shirk, il est très subtil. C'est pour cela que le musulman, il doit être attentif à cela, et avant tout, il se doit d'apprendre et connaître les différentes formes de polythéisme afin de pouvoir s'en écarter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith al-Qudsi, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre en mauvaises actions, puis que tu me rencontres sans me donner aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Regardez ce bienfait immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez sa grâce immense envers ses serviteurs. Celui qui meurt en ayant commis des péchés, mais qu'il se présente à Allah subhanahu wa ta'ala sans ne lui donner aucun associé, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. Donc ce hadith, comme vous l'avez vu, est un hadith immense, nous montrant les mérites du tawhid et également les mérites de l'invocation et de l'imploration du pardon. Après cette explication concise de ce hadith, nous allons énumérer quelques-uns des bénéfices que l'on peut tirer de celui-ci. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith la noblesse des enfants d'Adam. En effet, vous voyez dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a adressé ces propos aux enfants d'Adam. Et il n'y a pas de doute que les enfants d'Adam, alayhi salam, ils ont été favorisés sur beaucoup des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés. En effet, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Isra, au verset 70. وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les enfants d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons vraiment favorisés sur beaucoup de nos créatures. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et espère en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Et ceci, mes frères, cela nous encourage à multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant espoir en lui. L'invocation dans ces deux sortes, l'invocation d'adoration en multipliant les œuvres que l'on accomplit pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par être assidu dans nos obligations et en faisant suivre cela des œuvres surérogatoires comme on l'a vu dans d'autres hadiths, mais aussi l'invocation de demandes. Nombreux parmi nous ne se rendent pas compte de l'importance d'adresser nos demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il est dans une difficulté, tu le vois se diriger vers les créatures, alors qu'il a son Seigneur, le vivant qui ne meurt jamais, qui écoute l'ensemble des demandes de ses créatures, qui lui a ordonné de l'invoquer et qui lui a promis, suite à cette invocation, de l'exaucer. « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. » Votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Il t'ordonne de l'invoquer et en plus de cela quoi? Il te promet de répondre à ton invocation. Donc ceci, mes frères, cela nous encourage à multiplier les demandes que l'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait d'adresser ces demandes, qui sont en ta faveur, car c'est pour toi que tu invoques. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de te faire entrer au paradis. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter dans tes œuvres, dans tes affaires mondaines et religieuses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de t'exaucer, il te récompense pour ces invocations et ces demandes que tu lui adresses. Et ceci est une cause du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans ce hadith. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est indispensable que l'invocation, elle soit accompagnée de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui a un cœur distrait, un cœur inattentif, qui prononce ses invocations de manière habituelle, alors celui-ci, il est moins à même de se faire exaucer, contrairement à celui dont le cœur est présent et orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de son invocation. On voit donc que l'invocation, elle est différente du dhikr. Quand tu dis subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. Celui qui fait cela en étant distrait, c'est-à-dire, il n'est pas concentré sur ce qu'il dit. Il pense à autre chose, fait l'adhkar après la prière, mais il n'est pas concentré. Celui-ci, il a tout de même la récompense du dhikr qu'il a prononcé, mais il n'est pas égal à celui qui a fait cela tout en étant concentré, avec un cœur présent, en étant concentré sur ce que sa langue prononce. Ces deux-là sont différents, mais il a tout de même une récompense. Alors que pour l'invocation, c'est différent. Celui qui invoque, il a besoin de diriger son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a besoin de lui, de lui manifester sa faiblesse, son grand besoin de son créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est indispensable que ces invocations, elles soient accompagnées d'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés, aussi graves soient-ils. Et ce, d'après sa parole dans ce hadith, « Si tes péchés atteignaient les cieux, puisque tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme implore le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le péché qu'il a commis, quelle que soit la gravité et le nombre de péchés qu'il a commis, s'il revient à Allah subhanahu wa ta'ala et implore son pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne son péché. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au verset 110 de Surat An-Nisa, « وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا » Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux, quel que soit le péché que l'homme a commis. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dit, oh mes serviteurs qui avez commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne l'ensemble des péchés. Cependant, pour se faire pardonner, il faut implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imploration du pardon, ce n'est pas simplement des mots que l'homme prononce avec sa langue, mais il faut faire les causes pour se faire pardonner. Car si la personne, elle dit « Astaghfirullah » et qu'elle continue de faire ses péchés, ou alors qu'il dit « Astaghfirullah » mais sans vouloir cesser ce péché, comme le font certaines personnes, tu le vois en train de faire le péché, il continue de le faire. Tu le blâmes, il continue de faire son péché et dit « Astaghfirullah » mais il continue de faire le péché. Celui-là, il prend en raillerie l'invocation. C'est comme si un homme, il disait « Oh Allah, donne-moi des enfants », il n'est même pas marié. Et il ne cherche pas à se marier, il ne veut pas se marier. Il ne fait pas les causes pour avoir des enfants. Ces deux-là, ils sont comparables. Tu demandes le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu fais le péché. Il est indispensable que tu fasses les causes pour te faire pardonner tes péchés. Et la plus grande cause, mes frères, pour se faire pardonner, qu'est-ce que c'est? C'est le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire de revenir de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce repentir, il a des conditions qui sont au nombre de 5. La première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité, le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une condition pour l'ensemble des adorations. Il y a tawbah et le repentir, cela fait partie des adorations. Donc comme pour toutes les autres adorations, il est indispensable que ton repentir soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te repens pas par ostentation. Tu ne te repens pas par peur de la sanction du gouverneur ou d'une sanction de tes parents. Mais tu te repens par vénération et pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui se repent par peur du gouverneur, il délaisse un péché, non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais par peur de se faire sanctionner. Celui-ci, son repentir, il n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala car il n'a pas été sincère. La deuxième condition est que tu regrettes ce qui est provenu de toi. C'est-à-dire que tu sois rempli de remords face à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir commis ce qu'il a interdit ou délaissé ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire. La troisième condition, c'est le fait de délaisser totalement le péché, c'est-à-dire le péché duquel tu te repens. Ça ne veut pas dire que la personne elle ne va plus jamais commettre de péché. Mais pour se repentir d'un péché, elle doit cesser totalement ce péché en question. Par exemple, si la désobéissance était le délaissement d'une obligation, et que cette obligation, il est possible de la rattraper, ou de t'en affranchir, alors ceci est obligatoire pour toi. Comme si par exemple, une personne a délaissé volontairement la zakat durant plusieurs années, alors qu'elle était redevable de la zakat. Alors il est indispensable pour se repentir qu'elle s'acquitte de cette zakat pour les années passées. Aussi, une personne a commis un péché, un acte interdit. Alors, il doit cesser immédiatement ce péché. Et si ce péché était lié à une autre personne? Comme par exemple, celui qui a volé. Il a volé le bien d'une autre personne, puis il se repent. Alors il est indispensable qu'il retourne ses biens à ses ayants droit, son propriétaire. Sinon, son repentir, il n'est pas valide. Cependant, comment faire? Il est possible qu'en se dirigeant vers la personne, en lui disant « je t'ai volé ceci et cela », cela lui cause des problèmes. Alors, elle passera par des intermédiaires, lui remettra d'une autre manière, comme en lui envoyant par la poste ou autre. Ce qui est important, c'est de restituer ses biens à la victime, afin que le repentir soit valide. Et si une personne dit « je ne peux pas retrouver la personne » ou « je ne connais pas le propriétaire du bien que j'ai volé, je ne sais pas comment le retrouver, il ne m'est pas possible de le retrouver, comment faire ?» Alors dans ce cas-là, elle doit prendre ses biens qui ont été volés et les donner en aumône avec l'intention que la récompense, elle soit pour la personne qui a été volée. Si c'est un bien qui n'est plus présent, alors elle donne la valeur de ce bien. Elle estime la valeur de ce bien et elle donne en aumône la valeur de ce bien et ce, afin de compléter son repentir. Et si le péché commis vis-à-vis d'une tierce personne était par exemple la médisance, comment la personne s'en affranchit-elle une fois repentie? Parmi les savants, certains ont dit qu'il était indispensable que tu te rendes auprès de la personne sur laquelle tu as médit et que tu l'informes de cela et que tu lui demandes de t'affranchir et de te pardonner. Mais ceci causerait des problèmes. En effet, si la personne n'était pas au courant, il se peut que cela l'énerve et que cela mette quelque chose dans son cœur vis-à-vis de toi. C'est pour cela que d'autres savants ont détaillé et ont dit « s'il sait que tu as médit sur lui, que ceci lui est parvenu, alors il est indispensable que tu te rendes à lui et que tu t'affranchisses auprès de lui en lui demandant son pardon. Mais s'il n'est pas au courant, qu'il ne le sait pas, ceci ne lui est pas parvenu, alors il n'y a pas besoin de l'informer, car ceci pourrait ouvrir une mauvaise porte et causer des méfaits. Donc, il suffit dans ce cas-là que tu implores le pardon en sa faveur et que tu le mentionnes en bien dans les assises dans lesquelles tu l'as mentionné en mal. Et ceci est ce qu'il y a de mieux à faire afin de compléter son repentir. Car si tu l'informes alors qu'il ne le sait pas, il se peut que cela lui mette quelque chose dans le cœur. C'est pour cela que s'il est au courant, tu dois lui demander des excuses. Et s'il n'est pas au courant, alors tu te contentes d'implorer le pardon en sa faveur et de le mentionner en bien dans les mêmes assises dans lesquelles tu as médit sur lui. La quatrième condition du repentir, c'est d'avoir la ferme volonté de ne pas recommettre ce péché. Et ceci est indispensable. Car si une personne, elle prétend se repentir, et qu'au même moment où elle fait son repentir, elle a l'intention de recommettre immédiatement le péché, dès qu'elle en a l'occasion. Celui-ci, il n'est pas repentant. Il n'est pas en train de se repentir. Cependant, s'il a la ferme volonté de ne plus recommettre ce péché, mais que quelque temps après, son âme, elle prend le dessus. Il se fait piéger par le diable, se laisse emporter par son âme incitatrice au mal et commet à nouveau ce péché. Alors dans ce cas-là, son premier repentir, il est valide, Inch'Allah. Il n'est pas annulé. Cependant, il est obligatoire pour lui de se repentir à nouveau pour ce nouvel acte qu'il vient de commettre. C'est pour cela qu'il est indispensable de connaître la différence entre cela. La condition de validité du repentir, ce n'est pas que tu ne commettes plus jamais ce péché. Car l'homme, il commet des péchés. Il n'y a pas de doute qu'il est possible qu'il retombe à nouveau dans un péché duquel il s'est repenti. Mais la condition, c'est que tu aies la ferme volonté de ne pas y retourner. Et que tu sois sincère dans cela. Que vraiment tu souhaites ne plus y retourner, que tu fasses les causes pour ne pas retomber dans ce péché. Et si après cela, tu retombes malheureusement dans ce péché, alors tu te repens à nouveau et ton premier repentir n'est pas annulé. La cinquième condition de validité du repentir, c'est que le repentir ait lieu à un moment où il est accepté. En effet, il y a des moments durant lesquels le repentir n'est plus accepté et n'est plus profitable. Et ce temps est de deux sortes. Il y a un temps particulier qui diffère pour chacun d'entre nous et un temps général qui concerne toutes les créatures. Le premier temps, c'est au moment de l'agonie. Lorsque la personne est en train d'agoniser, que son âme est en train de sortir de son corps, alors à ce moment, c'est trop tard et il n'y a plus de repentir pour elle. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 18 de Surat An-Nisa, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ » Le repentir n'est point pour ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant. » Celui-ci n'a pas de repentir. De la même manière que lorsque s'est noyé Pharaon, il s'est empressé de dire « J'ai cru en la divinité en laquelle ont cru les enfants d'Israël. Je fais partie des musulmans. » Qu'est-ce qui lui a été dit? Est-ce que c'est maintenant, alors que tu désobéissais avant et que tu faisais partie? des corrupteurs. C'est-à-dire maintenant, tu te soumets. Ceci ne lui a pas été profitable. Le deuxième temps durant lequel le repentir n'est plus accepté, c'est lorsque le soleil se lèvera de son couchant. En effet, le soleil, il se lève chaque jour à l'est, et il se couche à l'ouest. Et le jour où il se lèvera de l'ouest, l'ensemble des gens croiront, car ils verront ce signe immense, indiscutable. Cependant, aucun d'entre eux ne profitera de se repentir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela dans un hadith lorsqu'il a dit « La hijra ne s'interrompra pas jusqu'à ce que s'interrompe le repentir, et le repentir ne s'interrompra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. » Ceci sont donc les cinq conditions pour que le repentir soit valide et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est indispensable de respecter ces conditions lorsque tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que si l'homme commet de nombreux péchés, puis qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans ne lui donner aucun associé, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne les péchés. Et il y a en cela donc le mérite du tawhid, le mérite de l'unicité, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il est important de savoir que ceci n'a pas lieu de manière générale. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc on voit que la parole dans ce hadith, lorsqu'il dit « Je viendrai à toi » avec son équivalent en pardon, c'est-à-dire si Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Car comme on le sait, celui qui vient à Allah, subhanahu wa ta'ala, en ayant commis des grands péchés, qui meurt, mouahid, monothéiste, sans avoir commis le shirk, mais qu'il a commis des grands péchés, alors il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtie à hauteur de ses péchés, puis le fait rentrer dans sa demeure finale qui sera le paradis. Donc ceci est lié à quoi ? À la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite immense du tawhid, de l'unicité d'Allah, et que c'est une cause pour se faire pardonner les péchés. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a certes dit dans son noble livre « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ » Dit à ceux qui ont mécru. S'ils cessent, c'est-à-dire s'ils cessent leur mécréance, qu'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouent un culte exclusif dans l'adoration, se soumettent à Allah par le tawhid, « يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ » Ce qui précède leur sera pardonné. C'est-à-dire qu'ils ont commis le plus grave des péchés, la mécréance, le polythéisme, mais s'ils cessent ces péchés, voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonnera les péchés qu'ils ont cessés. Par quoi ? Par le tawhid, par le fait qu'ils lui ont voué un culte exclusif. Donc ceci est une cause immense pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, celui qui meurt sur autre que le tawhid, alors celui-ci ne sera pas pardonné, comme on vient de le voir dans le verset. Allah il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Celui qui meurt sur le shirk ou la mécréance, celui-ci n'obtiendra jamais le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela et de nous faire mourir en pleine soumission en tant que serviteur monothéiste et suivant la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Voyez donc à travers ce hadith, mes frères, le mérite du tawhid, et ceci est une réfutation de ces gens déviants qui méprisent et dédaignent l'importance de cette science immense, la science du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ces gens, en faisant cela, ils commettent une faute gravissime et s'opposent en cela à la voix des messagers alayhim salatu wassalam, qui sont tous venus pour appeler leur peuple à quoi ? À vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. La science du tawhid est donc la science par laquelle tout étudiant doit commencer. C'est une des sciences les plus nobles. Que tu apprennes à unifier Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu apprennes les différentes formes de polythéisme afin de t'en écarter et t'en préserver et ainsi être sauvé bi'idhnillahi ta'ala du châtiment du feu dans l'au-delà. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir en tant que monothéistes. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce dans sa parole, et que tu me rencontres en ne me donnant aucun associé. Et ceci est prouvé également dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat al-Kahf, au verset 110, « فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi au verset 6 de surat al-Inshiqaq, « يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَحًا فَمُلَاقِي » Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Donc, le serviteur, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de nombreux textes prouvant que le serviteur rencontrera son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce que l'on tire de cela, mes frères, c'est quoi? C'est qu'il est obligatoire pour nous de nous préparer à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de savoir comment on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on va le rencontrer dans un état et une situation qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans une autre situation? Et chacun d'entre nous est connaisseur de sa personne. Chacun d'entre nous connaît ses propres actions. Nous savons tous la situation de nos cœurs, la situation de nos œuvres, les nombreux péchés que l'on commet, et ainsi de suite. Donc tu dois analyser ta propre personne. Avant toute chose, te demander des comptes avant que l'on t'en demande. Et te préparer à ce jour où tu seras devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il t'interrogera sur chacune de tes œuvres, aussi moindre soit-elle. Wallahi mes frères, ce jour est un jour immense, mais malheureusement nous sommes dans l'insouciance. Nous ne sommes pas conscients de cela. On perd beaucoup de temps durant nos journées. On commet beaucoup de péchés. On délaisse beaucoup d'œuvres de bien qui pourraient nous permettre de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'après la mort, on souhaitera tous retourner sur terre pour accomplir ne serait-ce qu'une seule bonne action. Et là, nous sommes vivants et on est négligents. Wallahu al-musta'an. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de nous aider à nous soumettre pleinement à lui et à l'adorer comme il se doit. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Et comme vous le voyez, il fait partie de l'excellence dans l'écriture d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qu'il a mis comme dernier hadith de cet ouvrage, un hadith sur le pardon et l'istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé l'étude de cet ouvrage et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises des preuves pour nous au jour de sa rencontre et non pas contre nous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de tout ce que l'on a dit et écouté, comme je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner pour les quelconques erreurs ou manquements qu'il y a pu avoir durant ces cours. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.